Je suis un fan de Jamiroquai. Thank you. Bon, je vais voir ma fille qui est malade. Ça te grippe.